بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Le sermon d'aujourd'hui porte sur comment étaient nos ancêtres et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Louange à Allah, celui par la grâce de Dieu, ses serviteurs sont cléments contre eux. Par sa guidance, les injustes se repentent. Chacun sera récompensé pour ce qu'il a fait. Il n'y a de Dieu que lui. Il guide sur la bonne voie ce qu'il veut. Nous le louons et nous le remercions pour la grâce de l'islam et de la foi. Nous lui demandons son pardon et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah pour tous les humains et les diableries. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens et pour ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, serviteur d'Allah, je vous recommande comme à moi-même de craindre Allah et de lui obéir. Serviteur d'Allah, si nous comparons comment étaient nos pieux ancêtres avec ce que nous sommes devenus dans nos jours, nous trouverons indiscutablement une grande différence. Nos ancêtres se sont élevés jusqu'aux cieux, alors que nous, nous chutons. Pourquoi, chers frères, ne sommes-nous pas des musulmans, des croyants, des unicitaires? Certes, oui. Alors, qu'est-ce qui a fait la gloire de nos ancêtres et qui a fait notre décadence? Qu'est-ce qui leur a donné les victoires et nous en a privés? Qu'est-ce qui les a unifiés, qui nous a émiettés, séparés et nous l'une que tous? Les temps ont-ils changé? Est-ce que les commandements de l'obéissance sont annulés et remplacés par les commandements de la désobéissance? Ou alors, c'est nous qui ne respectons pas les enseignements de notre religion? Elle est où la justice qui nous a été enseignée par l'islam? Elle est où l'aura de l'islam et sa puissance qui faisait peur au lion? Elle est où la gloire d'antan? Il est où l'honneur véritable? Ils sont où les visages brillés par la piété et la crainte d'Allah? Ils sont où les cœurs purs, fidèles à Dieu en toutes circonstances? Elle est où la gloire de l'islam et l'unité des croyants? Regardez autour de vous, vous verrez que toutes les autres nations sont unies et sont trêves. Puis, dirigez votre regard vers les musulmans, vous trouverez des cœurs entachés de haine et de jalousie. Si les musulmans s'unissent, ils se dispersent aussitôt. Le riche parmi nous est orgueilleux, comme s'il possède le règne d'un empereur. Chez nous, un président est un despote. Il exerce le diktat comme s'il a oublié l'au-delà. Lorsqu'on se réunit, c'est pour être médisant et dire du mal des absents. Nous n'entendons que les mécontents et les péchés avérés. Nous nous amusons en jalousant un tel et en critiquant un tel autre. Nous agissons les uns envers les autres avec malhonnêteté et traîtrise, sans scrupule ni crainte de Dieu le Tout-Puissant. Nous ne faisons pas assez. Nous sommes négligents et certains sont ignorants. Nous sommes en retard dans notre religion. Nous sommes négligents dans l'éducation de nos enfants et nous les accablons. Sommes-nous voués à l'échec? Certes non, mais à condition de craindre Allah et de lui obéir, d'apprendre la prière à nos enfants et de les habituer à la respecter et à ne pas la négliger. Apprenons la prière à nos femmes, car l'abandon de la prière chasse les richesses et les biens de la maison. Veillons sur les prières et les prières du milieu de la journée. Et tenez-vous entre les mains d'Allah avec dévotion. Dans un hadith, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 5 par 5. Cela veut dire 5 causes produire 5 effets. Chaque fois que des peuples ne respectent pas leur pacte, Allah les fait envahir par leurs ennemis. Chaque fois qu'ils rendent justice sans tenir compte des commandements d'Allah, Allah diffuse la pauvreté parmi eux. Chaque fois que les péchés apparaissent chez eux, Allah propage la mort parmi eux. Chaque fois qu'ils trafiquent les unités de mesure et les balances, Allah les prive de tout ce qui pousse sur la terre, blé, fruits, légumes, arbres, etc. Et chaque fois qu'ils ne sortent pas les zakat, Allah les prive de la pluie, rapportée par Al-Tabarani. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.